Si Guillermo Guez. Señor. Hola. Oula. Bonjour les amis. Bonjour. Alors bon. Salut. Salut. Quoi? Pendant assez longtemps j'ai cru que ça fait une demi-heure qu'on se parle. Pendant assez longtemps. Bonjour. Bonjour. Maintenant. On peut pas commencer le plaisir. Laisse-le. Merci en tout cas. C'était. Moi je vous écoute. C'est tout pour moi. Moi je vous écoute. Ah, mais, voilà, je voulais vous dire que pendant longtemps j'ai cru que la vie n'avait aucun sens. Et puis Netflix est arrivé en Europe et ça va beaucoup mieux. Avant pour combler le vide, je me disais je vais être obligé de faire un enfant et tout. Et alors ça me faisait peur à cause des dépenses et tout et un peu des germes. Mais là, hop, 12,50€ et je peux attendre la mort bien à l'aise. Et je dois vraiment conduire personne au judo et tout, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment forts les Américains. Ceci dit, Netflix c'est le top. J'adore Netflix, leurs catégories elles sont vraiment chouettes, genre suspense insoutenable. Série violente et tout. Série internationale palpitante. Vraiment, ils ont des trucs comme ça. Moi, je suis pour qu'ils aillent un cran plus loin encore dans la franchise. Genre, série internationale où tu te fais un peu yèche sur les 7 premiers épisodes, mais si tu t'accroches après, franchement, ça devient bien. Ou genre, série policière régionale imaginée par France 3 pour les vieilles personnes qui mettent des napperons sur leur téléviseur et qui ont envie de voir Michel Simès dans un rôle secondaire. Ah il le fait bien. Non, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Il a fait 5,5 millions. Il a fait autant que The Voice. Bah, yes. Et sur Netflix, si vous voulez, le carton absolu du moment, c'est une série espagnole qui s'appelle La Casa de Papel. J'adore. Merde, parce que ça parle d'un braquage hyper spectaculaire à la maison de la Monnaie de Madrid, organisé par un mec brillant qui se fait appeler le professeur et qui est en fait un remake du thriller norvégien Det Kristelig Urkløt qui avait été présenté à l'époque au festival du film semi-muet de Monte Carlo et qui avait quand même chopé le prix CTLM du public payant, qui reste le fait d'arme du public payant, le fait d'arme de la carrière de Kjell Jari Sjölberg. Wow. Non, c'est pas vrai. J'avais envie que Leïla s'intéresse à mon biais. Mais non, en fait, vous aimez bien. C'est dingue, La Casa de Papel. Non, dans le registre action braquage, je préfère Maigret. Mais bon, ça, c'est Maigret, c'est le max. Bruno Kremer, c'est vraiment au moins, il faisait ses cascades lui-même et tout. Ça, il trichait pas, Bruno. Quand le réalisateur disait action, Bruno, il oubliait tous ses problèmes avec le fisc et tout. Il montrait sur sa Harley. Et Bruno Kremer et Lorenzo Lamas, c'était vraiment deux mecs à l'ancienne, quoi. Jamais un mot plus haut que l'autre avec les femmes. Mais tu vois, s'il y avait une bagarre sur un parking, ils étaient. Et pour revenir à La Casa de Jean-Richard. Jean-Richard, c'est votre époque, Nagui. Excusez-moi. C'était le premier Maigret. Ça rend hystérique la Casa de Papel. Les gens ils deviennent fous et tout pour une fiction en espagnol. Alors que honnêtement l'espagnol c'est quand même une langue un peu disgracieuse, tu vois. Puerta, chocho, Guillermo Guiz, ça agresse, non, tu vois. L'espagnol ça donne envie de crever dans un chorizo. Vraiment, c'est pire que l'urdu. Et c'est pas du racisme, hein, vraiment. Vous savez, moi j'ai un lien fort avec l'Espagne. Bah oui, via mon grand-père maternel qui n'était pas le mais qui était un des bras droits de Franco. Franco grande époque. Attention, 52-64, bien avant toute cette histoire de démocratie, blabla. Il faut faire comme tout le monde. Et je dis pas que tous les étrangers doivent. Pour revenir à La Casa de Papel, je crois qu'on est tous un peu fascinés par le personnage du professeur, le mec qui t'organise un braquage d'une complexité inouïe, tout paraît simple. Moi, une fois dans ma vie, j'ai essayé d'organiser un anniversaire surprise. Après 9 secondes, c'était plus une surprise. Vraiment, si je devais organiser un braquage, je ne trouverais jamais l'adresse de la banque. Vraiment, ce serait horrible. Et il est génial ce personnage. Quand vous voyez le professeur, il donne littéralement cours de braquage à son équipe. Vous avez vu, ça a nagué dans le truc. Et on a tous envie d'être dans cette classe, quoi. Mais c'est vrai, quelque part. J'en parlais avec Jean-Michel Blanquer. Un mec qui me disait, ouais, c'est ambitieux, mais c'est pas infaisable. C'est vrai que c'est un fléau le décrochage scolaire, finalement. Si tu mets des cours de criminalité à l'école, t'as plus un élève en retard, ma main coupée, quoi. Ça pourrait être sympa, non? T'arrives à la rentrée, tu vois ton nouveau prof, tu dois deviner quel cours il. Ah, Jean-Marc Morandini, ça, c'est quoi? Et ben alors, pour revenir à La Casa de Papel, si ça marche, c'est que ça joue sur un fantasme. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait accès à la planche à billets, finalement? Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait créer de l'argent? Moi, j'achèterais Neymar, je pense, et je lui ferais faire des chroniques dans la bande originale pour voir s'il a encore du talent. Ouais, facile, etc. Faire le mec technique et tout. Mais en brésilien, on va voir s'il fait marrer les gens. Vraiment, c'est d'ailleurs le seul bémol que j'ai par rapport à la série. Je veux dire, pour accéder à 2,4 milliards d'euros, c'est con de prendre des risques et tout, d'aller prendre des gens en otage. Alors que si tu demandes gentiment à Nagui et qu'il est dans un bon jour et qu'il a du cash sur lui, c'est 2,4 milliards pour lui. Ça... Bref, c'est la longueur de la série, moi, que je trouve, c'est le bémol. Ça, je trouve les 40 premières heures sont sympas. Après, tu risques un peu le ménage au coq. Vraiment, 19 épisodes pour un braquage, ça Maigret, il te le fait en 4, quoi. Vraiment. Enfin bon, j'aime quand même bien. Allez, ciao. Ciao, les amis.